L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. Parler de golf avec notre c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Rémi Curtin. Salut Rémi. Bonjour monsieur. Rémi, on va parler d'abord de c'était le field day régional en fin de semaine et encore une fois les golfeurs de Saint-Prime ont bien fait. Entre autres, il y a quoi? Il y a Jean Gastonguay, Jonathan Lambert. Mais c'était difficile pour Jonathan Lambert. Je pense que même ça a fallu qu'il y ait en prolongation, hein? Effectivement, il y a après deux trous de prolongation, il l'a emporté sur Louis Aubin. Ouais. Mais Jonathan Lambert, en gagnant à Chibougamau le concours régional et en même temps le meilleur amateur régional là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est encore là très fiers de la représentativité des membres de Saint-Prime. Cette année, c'est assez exceptionnel. Je pense que 5 tournois sur 6 dans le 2A et dans le A ont été gagnés par des membres de Saint-Prime. Puis on en a aussi là dans les autres classes, puisque Jimmy Tremblay dans le BB c'est bien classé également. Puis dans le A, c'est Jean Castonguay qui a gagné la classe. Ouais, Jimmy Tremblay également qui a perdu contre Robert Larochelle de Chibougamau. Tu parles de Jonathan Lambert. Est-ce que ça va donner de quoi? Parce que, bon, c'est le meilleur amateur de la région. Est-ce qu'il y a un tournoi qui regroupe les meilleurs amateurs de la province? Ça existe, ça? En fait, c'est les trois tournois qu'on qualifierait de majeurs là, au niveau des amateurs, ouais. C'est-à-dire l'Alexandre de Tunis, le Duc de Kent, okay. Le championnat amateur masculin. Dans le cas de Jonathan, on se rappelle qu'il a déjà participé au Duc de Kent. Ouais. Ou Alexandre de Tunis, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est pas présenté. Et il devrait certainement être de la partie pour le championnat amateur du Québec, qui, à mon avis, est dans le mot. Okay. Pierre-Alexandre Bédard, c'est le meilleur, talent depuis Kevin qui est sorti dans le coin. Lui, il se trouve pas à jouer comme sur votre circuit, quoi, pour que tu qualifies de meilleur amateur. Jonathan, c'est parce que Pierre-Alexandre n'est pas là. En fait, le meilleur amateur régional, okay. Ouais, okay. Jonathan Lambert, mais Pierre-Alexandre Bédard est effectivement le meilleur amateur québécois. Ah ouais. Ah ouais, sur tous les districts confondus, là, si on peut appeler ça comme ouais. ça. Et si tu permets, Danny, on a confirmé, là, je peux te confirmer à tes auditeurs et à toi que le méga week-end golf va se tenir. Ouais, ben puis on a la présence de Pierre-Alexandre Bédard, de Kevin Fortin-Simard et de Jonathan Lambert pour le skin game. Tout ça est confirmé. Puis on fait des recherches pour avoir une dame, là, une dame du circuit professionnel. Pour compléter le quatuor, si c'est pas une dame, ça va être certainement une autre professionnelle du circuit. Ben, Kevin parce qu'hier, on lui a parlé, Kevin, parce que hier, c'était, il revenait du Open de Québec, puis il me l'a confirmé qu'il serait là, ici, dans le secteur de Saint-Prime. Ben, c'est tout à fait normal, hein, parce que il vient de Saint-Prime, donc il redonne un petit peu à la communauté, puis c'est bien correct demain. Autre chose à ajouter, peut-être? Il est bien gentil d'avoir accepté ouais. quand même, parce qu'il y a un horaire chargé. Ouais. Mais ça va être notre attraction avec Pierre-Alexandre Bédard et Jonathan, puis l'autre certainement pour le skin. Mais en même temps, on a l'Omnium Saint-Prime le vendredi, on a le tournoi des équipes de sport le samedi, okay. avec concours de drive sous les projecteurs en soirée. On a le concours régional amateur le dimanche, puis on a l'étape du circuit senior là, qui fête son 25e anniversaire le mardi. Alors, on appelle ça un méga week-end golf, mais toute une fin de semaine de golf là en perspective à Saint-Prime-sur-Lac. Mais généralement, Rémi, parce que les autres clubs, eux autres, tiennent ça tranquille durant les vacances de construction pour donner le temps, de donner tout l'espace voulu aux touristes de jouer, puis les green fees, parce que c'est ça qui est le plus payant. Vous autres, ça n'a pas été je peux voir, c'est pas cette stratégie-là que vous avez adoptée. Pourquoi? Ben, notre stratégie, nous autres, c'est en même temps qu'il y a les événements de la traversée ah, de ouais. Saint-Jean okay, et des récates de Saint-Félicien, on veut profiter justement de cette manne de touristes-là pas pour les faire jouer au golf, mais pour participer à nos événements. Okay. Puis on mise, nous autres, sur le fait qu'on va avoir des revenus indirects là, par notre cuisine, par notre bar, par la participation au jeu. Mais c'est pas exclu là qu'il y ait des membres qui, en avant-midi, puissent jouer des parties de golf. D'ailleurs, on a beaucoup de visiteurs dans cet incite-là, malgré nous autres, tout le monde, en fait, la pluie. Ouais. Mais c'est quand même assez bien bouclé. C'est sûr qu'on a eu quelques cancellations. Mais notre stratégie, Danny, c'est réellement de parfaire la crédibilité et la notoriété du club de golf de Saint-Prime cette année. Puis c'est des événements comme ça, avec des événements comme ça qu'on va y aller. Pas Kevin, mais Rémi, l'achalandage, ça dit quoi depuis le début? Est-ce qu'on a des chiffres maintenant? Puisque là, on a quasiment reparti à zéro, là. C'est une renaissance du club. Est-ce que vous avez des chiffres concrets à me donner concernant l'achalandage par rapport à l'année passée? Ben, j'ai pas de chiffres précis, mais ce que je veux dire, puis là, je veux pas là qu'on se pète les bretelles, parce que ce que je veux dire, là, c'est je veux pas que ça nuise aux autres clubs, mais on arrive justement d'une réunion des directeurs généraux qui s'est tenue la semaine dernière, puis Saint-Prime sur le lac Saint-Jean est le seul club qui a une augmentation de son membership et des droits de jeu cette année, comparativement à l'année passée. Mais, regarde, nous autres, on touche à du bois. Il y a réellement un mouvement d'empathie cette année à l'égard du club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. Ça va bien. On espère qu'on va avoir du beau temps pendant les vacances de la construction parce que c'est deux semaines cruciales là, pour nos revenus. Mais ça va super bien. On est bien contents. On a redressé la situation. Il nous reste encore des réponses à recevoir là, du gouvernement du Québec concernant nos projets de développement résidentiel et de golf. Mais toutes les étapes sont franchies, sont positives, on attend les réponses. Puis notre club de golf, il se démarque cette année, il va très bien. Mais on touche à du bois, puis on espère que ça va continuer. Bon. Et as-tu ajouté peut-être, Rémi, en terminant? Ben, peut-être encore une fois, inviter les gens à venir jouer notre parcours. Là. Les gens de Dolbeau le savent, les gens de la région le savent, mais ceux qui, les auditeurs qui viennent nous visiter, notre parcours cette année est d'une qualité exceptionnelle. Nos verres sont rapides. Sont beaux, les terres de départ, le fairway, pour pas dire les allées. Tout est magnifique. Puis on attend de te voir aussi, Gary, là, sur le monsieur, ça va être dur pour la pelouse si j'y vais. Rémi, on s'en reparle prochainement. Certainement, puis c'est tout. Rémi Gertness, le président du club de golf de Saint-Pierre.